d'entendre Burton. Pourquoi les lions, si la pensée vient d'ailleurs, qu'on, tu sais, c'est un show qu'on se tape, là, pourquoi ils ont créé religion? C'était quoi l'idée? J'ai une petite idée, Ben mais j'aime c'était, pas. c'est justement, c'est pour téléguider le monde. Donc, c'était-tu pour regrouper des. Tu sais, avant que les religions monolithiques qu'on connaît présentement, avant ça, comme les gens étaient différentes croyances et tout, c'est-tu dans le but de créer des égrégores plus forts ou des groupes plus réunis pour. Moi, mes yeux, c'est de créer de l'expérience, de l'expérimental. Puis, qu'on foutu, c'est une façon de gérer le monde, tant qu'à moi. Plus Ben, facile à pourquoi qu'il y a des gérer. religions? Ouais, je comprends. Parce qu'on se fait gérer, puis qu'il y a des destinées collectives. Là, à un moment donné, c'est comme moi, en tout cas, quand je regarde l'histoire, on dirait à un moment donné, là, en Occident, c'est comme la noirceur, on dirait. Mais en même temps, là, tout d'un coup, les Arabes sont bien brillants. D'après, les Arabes tombent comme dans une espèce de noirceur. Puis tout d'un coup, c'est plus lumineux un peu. Puis on dirait que ça alterne quand même. OK. Faut jouer juste la gestion là-dedans. Mais tu sais, c'est Ouais, comme les croyances, c'est juste pour te faire aller où ça c'est parce que je voyais comme un mouvement veut t'aider. de la croyance, mais ils ont comme regroupé la population du monde sur trois, quatre grandes religions, contrairement à énormément de croyances athées, pas athées, mais comment on appelle ça? En Afrique, là, le gris. Ben Animiste, là, c'est quoi j'entends le nom mal parce que pour. ça coupe, là. Ah, ça coupe, Moi, en là. Afrique, d'habitude, c'est des. Ouais, ça a coupé un peu, j'ai mal compris. Moi, en Afrique, ouais, d'habitude, c'est des religions. C'est même pas des religions, dans le fond, Non, c'est ça. Avant la création des religions, je pense qu'il y avait beaucoup plus de gens qui avaient des croyances très diversifiées puis très multiples. On le voit ils encore se en regroupaient toutes. Afrique. Hein? Et ça se regroupait tout dans le sens que les animistes africains, s'il y a L'animiste. moi, s'il y a un sorcier en Afrique qui rencontre Il qui fait voit quoi? égorger la coque, il va comprendre ce qu'il fait. Je Je veux m'excuse, dire, ça se Bertrand. regroupe pareil. Ta ligne coupe beaucoup. J'ai pas Ouais. compris. Ben, moi, tout ça coupe beaucoup. Bon, ben, si on regarde là, les vieilles affaires dans le paléolithique, puis tout, il reste que c'est toute la même affaire, parce que si tu prends un sorcier africain, puis tu l'amènes voir un chaman en Asie, puis ils se regardent les deux travailler, ils vont comprendre ce qu'ils font, là. C'est les mêmes principes. Fait que, bon, tu sais, je veux dire, ils font tout pareil. Moi, je trouve que ça se ressemble, toutes ces affaires-là, c'est tout pareil. Ben, en tout cas, Partout dans le aujourd'hui, monde, ils. avec des croyances animistes très au Sénégal, entre autres, là, tu vois ça encore, où ils portent des gris-gris, c'est même pas permis par leur religion, mais ils le portent, puis ils sont pratiquants musulmans. Fait qu'il y a une espèce de Ben, c'est mélange, quoi mais des pour moi, les gris-gris? religions avaient été créées comme pour regrouper des populations massives de gens sous la même croyance pour éviter trop de différences, tu sais. Donc là, on est rendu avec quatre grandes pensées mondiales de religieuses, quatre, cinq grandes pensées, au lieu d'en avoir des milliers différentes, là. C'est dans ce sens-là, Mais je dis. juste des vieilles affaires, il reste que ça se ressemblait toutes pareilles, là. Ouais, puis je suis d'accord avec toi que c'est plus facile aussi à contrôler une fois que tu as des grosses masses comme ça de gens qui ont des pensées dogmatiques alignées dans la même direction, Ben, sous un grand chapeau, là. mon si tu fais le parallèle avec le domaine financier, il y a beaucoup de multinationales qui tendent à être des monopoles. Puis à ce moment-là, ils contrôlent l'ensemble d'un marché. Si on prend par exemple dans le domaine pétrolier ou dans le domaine de la vente en ligne, tu sais, par exemple, tu auras Amazon, tu en as quelques-uns, mais c'est tous des gros joueurs. Puis comme ils ont beaucoup d'argent, ben, ils ont les prix les plus bas. Puis il y a tout un enchaînement qui font qu'ils On est en ont train tendance à se d'éliminer tout ce qui est consolider. en bas de C'est petit pour ça, garder. C'est exactement. ça, c'est exactement ça que je voyais pour le phénomène de religion. C'est un très bon Ouais. parallèle que tu fais, effectivement. Parce que de la façon que je vois ça, c'est que on dirait que moi, je considère qu'on est géré un peu comme des troupeaux. Puis à un Oui. moment donné, il faut faire. Il y a un tel pâturage, il faut. Bon, puis, au niveau de l'histoire, on dirait qu'il y a. Ça a été voulu, là. Faut aller pâturer vers l'ouest, là. Ah ouais, ben c'est comme quand que les chrétiens d'Europe, ils décident, ils font les croisades, puis ils vont tout défaire en Orient. Ben c'est parce qu'il y a des forces en arrière qui ont décidé ça, puis qui manipulent le monde, tant qu'à moi. Au même titre que quand il y avait des forces qui disaient aux gens, ben, la Terre est plate, donc bougez pas, là, parce que c'était pas le temps qu'ils aillent explorer ailleurs ou en Amérique. On Tu dit, vas tomber ben, au bout. c'est ça, tu vas tomber en bas de la terre, fait que reste sur ton territoire en Europe, reste docile puis tranquille, c'est pas le temps. Ouais. Ben, c'est un peu comme ceux qui lisent au niveau littéral la Genèse, le livre de la Bible, la Genèse. Bon, tout le monde est parent, plus tout Adam et Ève, puis le blablabla. Ouais, mais là, ça, c'était des peuples qui étaient en Orient puis qui sortaient pas trop de là. Là, plus tard, on se rend compte, bon, ben, dans tel coin en Asie, il y a telle race, il y a telle autre race dans tel coin, puis ils sont toutes bien différentes, puis ils viennent clairement pas tout à fait des mêmes souches, là. T'sais, ça marche pas, là. Le Suédois puis le Pygmée, ils ont pas l'air de descendre des mêmes affaires. Effectivement.